بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, le chapitre des textes mentionnant le suivi de ceux qui portent à équivoque. Et donc, avant, le chapitre d'avant, c'était le chapitre donc, qui montre l'interdiction de l'exagération quant au Coran. Et ici, il nous parle du fait que de suivre ceux qui portent à équivoque. Et ça, c'est important parce que ça, c'est une forme d'exagération. Ça, c'est une forme d'exagération, le fait de s'accrocher et de suivre ce qui porte à équivoque. Le Coran, barakallahu fikoum, il est muhkam wa mutashabih. C'est-à-dire, dans le Coran, il y a des versets qui sont clairs. Il y a des versets qui sont clairs. Et il y a des versets qui portent à équivoque. Ça veut dire quoi qui porte à équivoque? Il y a peut-être un autre sens. Mashallah, barakallahu fi. Ce sont des versets que tu peux comprendre comme ça et comme ça. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous éprouve. Et pour comprendre les textes qui portent à équivoque, il faut revenir vers les textes clairs. Parce que c'est les textes clairs qui te montrent justement ce qui est voulu par là. Et il est obligatoire de croire en tous ces textes, les textes qui sont clairs, ainsi que les textes qui portent à équivoque. Dans le recueil authentique, l'auteur nous dit, rahimahullah, dans le recueil authentique. Ici, ce qui est voulu dans le recueil authentique, c'est-à-dire dans Sahihayn, al-Bukhari et Muslim. D'après Aïchata radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait les versets. Il est celui qui a fait descendre sur toi des versets clairs qui sont la base du livre et d'autres qui portent à équivoque jusqu'à sa parole, mais seuls les doués de raison suivent leur appel. Il a alors dit, si tu vois ceux qui suivent des textes portant à équivoque, ceux-là sont ceux qu'Allah a cités, méfiez-vous alors d'eux. Allahu Akbar. Et donc Allah Azzawajal qui nous dit ici ce verset, c'est un verset donc les frères de Surat Ali Imran, le début de Ali Imran. Le verset, Allahu Alam, la première page, la toute première page, Ali Imran. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Il est celui qui a fait descendre sur toi le livre. Il y a parmi donc ces versets, des versets donc clairs, c'est la base du livre. وأخر متشابهات. Et d'autres versets qui portent à équivoque. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Concernant ceux qui ont une maladie dans leur cœur, concernant ceux qui ont une déviance dans leur cœur, alors ils suivent ceux qui portent à équivoque en recherchant la fitna et en recherchant ta'wilahu. Et en recherchant donc ce qui est voulu ici, barakallahu fikum, par le mot ta'wili, c'est, on a les savants qui nous disent le mot ta'wil, c'est, ça peut être l'explication. Le mot ta'wil, ça pourrait être le fait de changer le sens. Et donc, ces gens-là, ils veulent la fitna et ils veulent changer le sens de ce qui est voulu par le verset. Ou alors, ce qui est voulu par là, c'est la concrétisation de cette chose. Par le mot ta'wil, la concrétisation de cette chose. C'est-à-dire, quelque chose que tu ne peux pas connaître. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous parle du paradis. Il nous décrit le paradis. Et dans le paradis, quand il nous dit que dans le paradis, il y aura des arbres, nous, on connaît les arbres. Mais est-ce que les arbres qu'on connaît, ce sont les arbres qu'il y a au paradis? Non, même si c'est le même nom. Même si c'est le même nom qui est cité, ce n'est pas la même chose. Le vin. Hmm? Le vin. Comme le vin. Comme le vin, comme l'alcool qu'il y a ici, ce n'est pas le même alcool qu'il y a là-bas. Et donc, ça, c'est important de le savoir. Et certains vont donc chercher à savoir la concrétisation de ces choses, qu'est-ce que c'est exactement, etc. Alors que nous ne pouvons pas le savoir. Et le seul à connaître cela est Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Et ceux qui sont fermement dans la science, ils disent nous croyons en tout cela vient de notre Seigneur et seuls les doués de raison suivent le rappel. Et donc parmi les caractéristiques des gens de la Sunna, le fait qu'ils croient en tout le livre, le fait qu'ils croient en tout le livre. Ils ne vont pas rejeter certains versets à cause d'autres versets. Ils ne vont pas rejeter certains versets à cause d'autres versets. Ceux qui sont dans des groupes déviants, ils vont s'accrocher à certains versets, les versets qui portent à équivoque, et délaisser d'autres versets. C'est un exemple. Les Khawarij, ils vont délaisser, ou du moins ils vont s'appuyer sur certains versets comme le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, il cite une punition pour celui qui tue un croyant. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. Celui qui tue un croyant de manière intentionnelle, alors son châtiment sera l'enfer éternellement. Ils vont te dire, et donc il est sorti de l'islam. Il a l'enfer éternel. Éternel, il ne dépend pas de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont s'accrocher à ce verset et ils vont délaisser le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, dans un autre verset, il a appelé le tueur Akhu, il a cité le fait que le tueur soit le frère du tué. Et donc si c'est son frère, c'est qu'il est toujours croyant, il est toujours musulman. D'accord? Et donc les gens de la Sunna, eux, ils acceptent tous les textes et croient en tous les textes. Ils ne vont pas rejeter un texte à cause d'un autre. Et ici, donc celui qui est dans l'enfer éternellement, c'est celui donc qui va rendre licite son acte. Allah tabaraka wa ta'ala l'a clairement interdit et lui il va dire non, c'est licite. Celui-ci, c'est lui qui a accompli un acte qui fait sortir de l'islam. Et donc il est important de bien comprendre cela, le fait que nous ne devons pas nous accrocher à un texte et rejeter un autre. Tu dois croire au Coran entièrement. Et c'est ça, c'est très important dans la compréhension du Coran. Il y a dans ce hadith le fait de mettre en garde contre ceux qui s'accrochent aux versets qui portent à équivoque. Comme on a cité les Khawarij, hein, on a aussi d'autres groupes qui rejettent les noms et attributs. Comme on a vu, par exemple, le groupe, ceux qui sont venus en Martinique il n'y a pas longtemps, hein, le fait qu'ils rejetaient des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tout ça en s'accrochant à des ambiguïtés. Comme on a vu pendant le séminaire, ils ont des preuves sur lesquelles ils s'accrochent. Mais ils n'ont pas compris que en s'accrochant à ces versets-là, ils vont rejeter d'autres versets. Ils vont rejeter d'autres versets. Comme on a vu pendant le séminaire, c'est exactement le même sujet. Le premier séminaire du moins, où on a vu donc le sujet de la aqida. Il y a dans ce hadith, barakallahu fikoum, le fait de mettre en garde contre une personne à cause de sa pratique religieuse. Ici, le prophète qui dit, sallallahu alayhi wa sallam, si vous voyez ceux qui suivent des textes portant équivoque, ceux-là sont ceux qu'Allah a cités, méfiez-vous alors d'eux. Méfiez-vous alors d'eux. Et donc, cela fait partie de notre religion. Parfois, tu vas voir les savants, à cause de la pratique déviante d'une personne, les savants vont mettre en garde contre celle-ci. Ce n'est pas de la médisance. Ce n'est pas de la médisance. D'ailleurs, Al-Nawawi rahimahullah, dans son livre très connu Riyad al-Salihin, il cite que Al-Riba, la médisance, elle va être permise ou voire obligatoire dans certains cas. Et il cite les cas. Et parmi ces cas-là, il y a ce cas-là. Le fait de mettre en garde contre une personne à cause de sa pratique religieuse qui est dangereuse pour les musulmans. Parfois, les savants, ils donnent un exemple pour aider les gens à comprendre. Si un jour, Ayman, Tu veux aller acheter des fruits et légumes. Et tu me dis que tu vas acheter des fruits et légumes chez un tel. Moi, je sais qu'un tel, c'est un voleur. Je sais qu'au lieu de te donner les fruits que tu veux pour 10 euros, je sais que tu vas payer 30 euros. Et pour avoir au final des fruits d'une mauvaise qualité. Mais je me dis, allez, j'ai pas envie de parler, je vais me faire mes 10 ans. Allez, je dis pas. Et donc, je te laisse aller acheter tes fruits et légumes. Et après, tu reviens. Tu me dis, subhanallah, j'ai acheté des fruits et légumes. Vu que je suis pas de Martinique, je connais pas. Le monsieur, il m'a fait des fruits et légumes pour 40 euros. Et ensuite, une fois que j'ai acheté ça, une personne qui m'a dit, mais non, mais tu t'es fait arnaquer, ça vaut même pas 10 euros. Et donc, tu reviens. Et moi, je te dis, ouais, en fait, avant que tu partes, tu sais, quand tu m'as dit, je voulais pas te le dire parce que je voulais pas faire de médisance sur le frère. Mais c'est connu qu'il vole, etc., etc., etc., etc. Là, tu vas me blâmer, tu vas me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu aurais dû me prévenir, comme ça, je n'aurais pas perdu mon argent. Et donc, dans ce sujet, un sujet qui est mondain, où tu vas juste perdre de l'argent, les gens te disent, tu aurais dû mettre en garde contre cette personne. Et perdre notre religion, c'est encore pire. Une personne qui t'amène dans un égarement, c'est encore pire qu'une personne qui te vole 40 euros. Et donc oui, c'est important qu'on comprenne que dans la religion, parfois, il va y avoir une nécessité de mettre en garde contre une personne parce qu'elle pousse les autres à dévier de la religion et qu'elle a un danger pour les autres musulmans. Ça, c'est pour les choses claires, mais quand c'est des rumeurs, vous ne voulez rien dire. Ah non, non, non, non, des rumeurs, jamais. Non, non, non. Dans la religion, on ne se base pas sur les « on dit ». On ne se base pas sur les « on dit ». Ce sont des preuves. Il faut avoir des preuves. C'est pour ça que tu as des savants aujourd'hui comme le Cheikh Rabia. Quand il va mettre en garde contre une personne, il va te citer. Il dit dans son livre, tel et tel livre, à telle et telle page, telle et telle édition, tac, tac, tac, tac, tac. Il cite la parole de la personne. Maintenant, se baser sur des « on dit », etc., non, ça ne fait pas partie de la voix des pieux prédécesseurs, ça ne fait pas partie de la voix des savants, et c'est une injustice. C'est une injustice. Et c'est même c'est la voix des gens du livre. Allah Azza wa Jal, il les a blâmés pour cela. Il les a blâmés pour cela, le fait qu'ils ne suivent que les conjectures, comme on a vu hier. Ils ne suivent que les conjectures, et ils n'ont pas une science. Ils n'ont pas donc de preuve de ce qu'ils avancent. D'accord? C'est pour ça que Allah, dans son livre, il nous dit Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dites, ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. Et donc, c'est important que s'il y a une accusation qui est faite sur une personne, qu'il y ait des preuves. Ça aussi, c'est un piège. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont beaucoup parler ah, lui, c'est un extrémiste. Preuve. Il a la barbe. Il a un kamis qui ne descend pas en dessous de sa cheville. Il a dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de preuve. D'accord? Donc, ça c'est important. Barakallahu fikoum. Et concernant les détails sur ce sujet, on verra ça plus tard. Bi'idhnillahi ta'ala. L'auteur qui nous dit « Rahimahullah Omar radiallahu anhu a dit « Anéantisse l'islam, l'erreur du savant » et le débat de l'hypocrite sur le Coran et le jugement de l'imam égareur. Allahu Akbar. Et donc, l'erreur du savant. Cela est une grande cause de mal. Pourquoi? Parce que les gens vont le suivre dans son erreur. Les gens vont le suivre dans son erreur. Comme parfois, des gens qui propagent des fatwas de certains gens de science qui vont te dire que la nourriture, la viande en Europe, elle est licite. La viande en Europe, elle est licite parce que c'est les gens du livre. Ça, il n'y a nul doute que ça, c'est une erreur. Mais le problème, c'est que les gens vont le suivre dans ça. Et c'est pour ça que Omar radhiyallahu anhu, il a cité cela dans les causes qui anéantissent l'islam. L'erreur du savant. Parce que les gens vont le suivre dans son erreur. Et pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous dit clairement dans son livre. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ Innahu la fisq. Ne mangez pas de ce que le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas été cité dessus. Toute bête qui est morte, dont le nom d'Allah n'a pas été cité dessus, n'en mangez pas. Wa innahu la fisq. Certes, ceci est une grande transgression. Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Et certes, les diables, ils font des révélations où les diables apportent des arguments à leurs alliés afin qu'ils débattent avec vous. Si vous les obéissez, certes, vous êtes polythéistes. Et donc ici, barakallahu fikoum, il est important qu'on fasse attention à cela, le fait de ne pas tomber, de ne pas suivre des savants dans leurs erreurs. Parfois, certains vont même chercher cela, parce que ça les arrange. Ça les arrange. Il sait que c'est une erreur, mais ça l'arrange. C'est une facilité pour lui, selon lui. Et donc, il veut... Ouais, mais il y a divergence, il y a tel savant qui a dit que c'est permis, alors je peux. C'est interdit. Ça fait partie des causes qui anéantissent l'islam. Il a cité Omar radhiyallahu anhu parmi les causes qui anéantissent l'islam aussi, le débat de l'hypocrite sur le Coran. Vous commencez à fatiguer. Et donc, l'hypocrite, dans son argumentation, il va s'appuyer sur ce qui va éloigner les gens de la vérité. Et il va pousser les gens à s'approcher à cela. Contrairement aux gens de science. Donc, l'hypocrite, il va venir avec une ambiguïté pour éloigner les gens de la vérité. Exemple, certains qui vont nous dire, sans aucune gêne, qu'il n'y a pas de mal à caricaturer le divin. Chez vous, en Belgique, je pense pas qu'il y ait eu ça, mais ça chez nous, en France, oui. Il n'y a pas de mal à caricaturer le divin. Ou alors, le fait de dire qu'il n'y a pas de tenue... il n'y a pas de tenue spécifique en islam. Il n'y a pas de condition spécifique dans la tenue vestimentaire en islam, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et donc tout ça, lorsqu'ils envoient ces messages publiquement, communiqués officiels, etc., etc., il y a combien de personnes qui vont suivre cela? Et donc ils vont pousser les gens à s'accrocher à ça. Et en délaissant le Coran et la Sunna. Omar radhiyallahu anhu, il a cité le jugement de l'imam égareur. L'imam égareur, ça englobe l'imam, le gouverneur, et l'imam, le savant. Parce que ces gens-là, lorsque... ils vont pousser les gens à l'égarement, comme ça a été par exemple le cas des Mu'tazila. Les Mu'tazila, lorsque c'est eux qui gouvernaient, et qu'ils ont placé l'imam Ahmed rahimahullah en prison, et qu'ils ont tué des gens pour que les gens disent que le Coran a été créé. Que le Coran a été créé. Et donc, et cette parole et cette croyance s'est propagée. Parce que c'était un gouverneur injuste qui poussait à cela. Et pareil, lorsque c'est un savant qui est un égareur, un savant égareur, et donc les gens vont le suivre dans son égarement. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ce n'est pas le Dajjal qui me fait le plus peur vous concernant, mais « Innama akhafu alaykum al-immat al-mudillin » Cependant, ce qui me fait le plus peur vous concernant, ce sont les imams égareurs. » Il continue l'auteur, rahimahullah, il nous dit « Et quant à... Sabir, mashallah. Excusez-moi. Et quand Sabir a interrogé Omar sur Al-Dhariyat et les textes similaires, Omar radhiyallahu anhu l'a frappé et l'histoire est connue. Ici, l'auteur il fait allusion à une histoire qui est très connue. L'histoire de Sabir. C'est une histoire qu'on va trouver dans les livres de hadith et que les ulémas, ils ont jugé correcte en rassemblant toutes ces chaînes de transmission. Et donc, un homme qui était appelé Sabir ibn Asal, et il est venu à Médine et il avait des livres. Il avait des livres. Et donc le fait d'avoir des livres ne veut pas dire qu'une personne ne peut pas être dans un égarement, dans une déviance, comme on va le voir. Il avait des livres et il posait aux gens des questions concernant les versets qui portent à équivoque. Sauf que cela est parvenu à Omar radiallahu anhu. Alors Omar, il a préparé de quoi punir cet homme. Parce que c'était Omar le gouverneur. C'est le gouverneur qui sanctionne. C'est pas, donc les gens n'ont pas à sanctionner, à appliquer des sanctions, etc. Tout ça, c'est le rôle des gouverneurs. Et donc Omar avait préparé de quoi donc le sanctionner. Alors, lorsqu'ils lui ont ramené Sabir, Omar s'est assis à côté de lui et lui a dit « Man ant ?» Il lui a dit « Qui es-tu ?» Alors, il lui a dit « Ana Abdullah Sabir ?» Il lui a dit « Je suis le serviteur d'Allah Sabir. » Omar a répondu en disant « Et moi, je suis le serviteur d'Allah Omar. » « Wa ana Abdullah Omar. » Ensuite, Omar s'est penché vers lui et il a commencé à le frapper. Je répète encore, Omar, il était gouverneur. Et il n'a cessé de le frapper jusqu'à ce que justement il l'a fait saigner. Il l'a blessé. Et l'homme, il a dit, Sabir, il a dit, c'est bon, ô prince des croyants, ce que j'avais est parti. Ce que j'avais est parti. Et dans une autre narration, il lui dit, soit tu m'achèves, ou soit tu me laisses, parce que ça, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris la leçon. Et il y a un autre récit, justement, qui montre la suite de cette histoire, où après la mort de Omar, lorsque Omar est mort, alors des gens sont venus voir Sabir pour lui dire, ça y est, c'est bon, tu peux parler maintenant. Omar, il est mort. Il t'a frappé, etc., etc. Mais maintenant, il est mort. Alors, vas-y, tu peux dire ce que tu voulais dire. Et donc, il est cité dans cette narration qu'il aurait dit « Nafa'atni nasihatu al-abdi salih. » Le conseil du serviteur pieux m'a été profitable. C'est-à-dire que là, non, je comprends, je ne parle pas. J'ai compris que je suis tombé dans une erreur. J'ai compris que je n'aurais pas dû faire ça, etc., etc., etc. Aujourd'hui, parfois, tu vas trouver des personnes qui vont avoir des déviances, comme les khawarij, les terroristes, etc. Dans certains pays musulmans, on va amener ces personnes-là dans des camps où ces personnes-là vont être rééduquées, on va leur montrer leurs erreurs, leur manque de compréhension dans le Coran, parfois avec un peu de dureté, en fonction du cas de la personne, c'est le gouverneur qui juge par rapport à cela. Et ça a été profitable pour beaucoup de personnes. Beaucoup ressortent de ce genre de camp, des camps spéciaux pour les terroristes, etc. Ils ressortent de ce genre de camp avec, donc, en étant calmés. Et beaucoup ne recherchent plus à retomber dans les mêmes erreurs dans lesquelles ils sont tombés précédemment. Et donc ici, dans cette histoire que nous cite l'auteur, rahimahullah, il y a encore le fait, le danger, le grand danger qu'il y a dans le fait de s'accrocher aux versets qui portent à équivoque. Et comme on a cité précédemment, le fait qu'une personne peut avoir des livres, et malgré cela, elle contredit la législation. Il y a aussi dans ce hadith le fait que les sanctions peuvent être très profitables. Les sanctions peuvent être très, très, très profitables. Hein? Il y a un homme qui ne faisait pas attention, justement, par rapport à son permis, etc., etc., jusqu'à ce qu'au final, il a fini en prison. Au final, il a fini en prison par rapport à cela, le fait qu'il roulait tellement souvent sans permis, hein? Sans aucun papier, rien du tout. Il a fini en prison. Lorsqu'il est sorti, il a compris. Il est allé faire ses papiers, alhamdoulilah. Et donc, les sanctions sont profitables lorsque lorsqu'elles sont faites par les responsables, ceux qui sont aptes à donner des sanctions. Pas n'importe qui, hein, comme vous et moi. On va arrêter là, inshallah ta'ala. Et demain, on continue avec le chapitre 13. Wa faqallahu jamir. لما يحبه وارضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا